Ok. Putain les frères, les bons moments passent tellement vite que j'essaye de prendre le maximum de plaisir pendant le film. Jamais t'enfles ta mine, jamais dans les gamines t'hallucines comme si t'étais gonflé sous kétamine. Là c'est comme stupéfiant, traqué par stupéfiant. T'es mon frère, si dans mon dos ça parle et que tu me défends. Oblique B, MSD, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, t'as pas le mental. Tu niques ton couple à cause d'une petite affaire. T'as dit Didi dans son cas, la Didi dit Balouja, ça vous bien ou j'acconnais. Titi Titi ma, la vie est dure pour tous, mais y'en a marre de se plaindre. Deux inconnus se regardent, mais non de cesse de se craindre. Tout ça me casse les baloches. Si la mer tu me galoches, je fais mes valoches pour partir loin d'ici. Poto style le Canada, à part voix de Canada ou des problèmes, y'en a au Canada. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles et très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles et très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Je pose, je me fais plaisir, ça fait du bien, c'est comme prendre un peu l'air. Assis devant ma feuille, le pète aux lèvres, je calcule même pas l'heure. Je me creuse la tête de tout ce que j'ai pour que mon rap ait de l'allure. Quand j'écris, toujours je me plains, bah ouais, je parle et ma douleur. Je porte pas les forces de l'ordre, non, toujours les mêmes qu'encaisse. Ils niquent le délire comme un dollar dans un couscous. Encore depuis, j'avoue que d'autres bâtards sont de nouveaux élus. Leur discours me casse la tête et ça vient pire que la vouvouzela. C'est là, je mens pas, je laisse parler les gens, tout ça, ça m'éclate. On m'a dit ne pas juger. Tu vaux pas mieux que l'autre. Je m'aventure pas comme ça, j'attends mon tour, j'avance pas à l'aveugle. Y'a pas moyen, je peux faire pas jouer si je connais pas les règles. C'est ça la if mon gros, pour réussir, faut être à 100%. Moi si mes rêves sont grands, c'est pour mieux les voir quand je les poursuis. Mais perso, je suis conscient qu'y'a rien s'il y a pas de sous. Alors je me passe des consignes car je veux plus qu'un aperçu. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, je vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, je contiens les murs pour s'accomplir de là. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, je vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, je contiens les murs pour s'accomplir de là. Chez moi, y'a pas de pratique, la boss dégage avant que le bus t'accoste. On dit que la haine nous va comme un gant, donc la plupart pratique la boxe. La rage a pris le dessus, donc pour aimer, on s'entend plus. Les regards sont tellement froids que même le thé, on s'en rend plus. Devenu somnambule, trop de grosses embûches normales. Vu ce que les gosses endurent, ça se ressent plus. Mais les potes tiennent les murs comme des tox en cure. Le but c'est que la ville crame la haine au fond des amygdales. Si la plupart de mes amis partent, c'est qu'ils squattent des apparts inhabitables. Je vais être peinard, mais dans Paris, c'est dans le pinard que nos vices périment. On tisse tellement que chez moi, j'vois plus de bouchons que sur le périph. Loin de la jeunesse dorée, des putes et de leur botox. De ce monde, moi j'ai rien vu, à part des keufs et des gros tox. Pour s'en sortir, c'est dalle, donc on fout le feu, plus le temps d'attendre. Car nos soucis s'étalent comme Haïti qui se foutrait à plat vent. Tu veux savoir ce que la haine engendre? J't'étale plusieurs raisons, me dis pas que les temps changent, car par chez moi il n'y a qu'une seule saison. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Ouais, y'en a marre, beaucoup de paroles, mais très peu de gens agissent. La vie de ta mère, des fois tu jures, t'es même pas sûr de toi. Faut prendre le large, dans nos souvenirs, j'vois pas d'instant magique. Ça fait maintenant 20 piges, contient les murs pour s'accomplir de là. Avoue que c'est gore, que c'est mort, que les parents c'est gore. J'en ai marre de ce sale décor. La plupart des camps, on n'a pas de détente, on déballe, on débarque et l'on casse les portes. Si tu perds le nord de départ, c'était moi, ma haine au départ. Je n'ai pas de limite et c'est pas de mimique. Je me regarde, tu ferais mieux de dégâts juste avant que ma quitte élimine.